السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du samedi 26 Jumad al-Oula 1429 de l'Hijr, ce qui concorde avec le samedi 31 mai 2008 bi'idhni azza wa jalla. Nous sommes toujours dans la aqida, la aqida inshallah ta'ala, pour laquelle on vit et pour laquelle on meurt. C'est avec la aqida que demain va se dessiner yani notre avenir. Est-ce c'est l'enfer, Allah l'afia, ou bien c'est le paradis? C'est d'après quoi? D'après la aqida que tu avais quand tu es yani, dans cette vie. Ensuite, sûrement que vous savez que défendre la aqida, la vraie aqida, et entre parenthèses montrer en même temps les fausses aqidas, les faux dogmes, les faux credos, les fausses idéologies, les fausses conceptions, tout cela, ça rentre dans le djihad. Ça rentre dans le djihad et ça rentre dans le grand djihad. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Ce verset, je ne l'avais pas préparé, sinon je l'aurais cherché, qu'est-ce que ça donne en français. Mais je le traduis à peu près ça donne وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Allah Ta'ala veut dire, et c'est ainsi que je vous détaille mes signes. Pourquoi? لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Pour que le chemin des criminels te soit clair, pour qu'il n'y ait pas confusion. C'est pour ça que je vous dis, je répète, quiconque ne connaît pas la bid'a, il va tomber dans la bid'a. Quiconque ne connaît pas que le hadith tel et tel est faible, il va croire que c'est un hadith sahih. Quiconque ne connaît pas l'égarement, on va lui ramener l'égarement dans un beau plateau, un plateau bien orné, un plateau en or, bien garni. Il va croire que c'est quoi? Il va croire que c'est quelque chose de bon à manger, alors que c'est du poison. Quiconque, s'il veut vraiment être dans le dîn, il faut qu'il connaisse et le vrai et qu'il connaisse le faux aussi, pour l'éviter. Si tu connais pas le faux, tu peux le prendre comme idéologie et croire que c'est ton dîn, etc. C'est pour ça que tout le monde connaît le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: les gens demandaient au prophète alayhi salatu wasalam le bien, quant à moi je lui demandais le mal. On a dit pourquoi? Il a dit parce que je veux connaître le mal. Comme ça, pourquoi? Parce que si on connaît le mal, on peut l'éviter. Mais celui qui ne connaît pas le mal, il va tomber dans le mal et il va croire qu'il est dans le bien. Je disais, parmi le grand djihad, c'est de montrer aux gens quel est le faux qu'il faut abandonner. Allah Ta'ala a dit, et ainsi je vous montre mes signes pour que le chemin, le sentier des criminels te soit clair, te soit bien visible. Si tu connais bien le chemin des criminels, tu vas l'éviter. Si tu ne connais pas le chemin des criminels, tu vas tomber. C'est un peu comme celui qui autrefois a connu l'alcool ou l'a bu de l'alcool. Maintenant celui-là, on ne peut pas le tromper et lui donner à boire de l'alcool. Vite, il va sentir l'odeur, il va dire ça c'est de l'alcool. je le connais, ça fait 20 ans que j'ai bu ça. Mais celui qui n'a jamais connu l'alcool, il peut vite tomber dans l'erreur. On lui prépare quelque chose et on lui dit, ça c'est un jus, il va le boire. Naam. Et parmi, jazakallahu khairan pour le numéro 1, vous m'avez oublié, et parmi naam, la grande fitna qu'il y a ces temps-ci, c'est la fitna des Habesh. La fitna des Habesh, l'une des sectes les plus égarées qu'a connu l'islam. Et dans l'islam, bien sûr, se désavoue. Mais l'une des sectes la plus égarée, la plus dangereuse. Très dangereuse, pourquoi ? Parce qu'elle a les moyens. Elle a l'argent, elle a l'or, elle a les juifs derrière, les américains, tout le monde est derrière elle. Les chiites, les soufis, tous sont avec cette secte, pour dévier les gens du droit chemin. Mais tous ceux-là ne peuvent rien faire contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a décrété que c'est lui qui gagne, c'est lui qui triomphe, lui et ses alliés. Naam, c'est ça, c'est dans le Coran, plusieurs versets. La arribanna ana wa rusuli. Je triompherai moi et mes messagers. Inna Allah ghalibun ala amrih. Allah Ta'ala triomphe. Et comme ça, beaucoup, beaucoup de versets dans ce sens. Tayyib, je vais vérifier le son. Naam, c'est tout ce que je peux, Ouraba. C'est pas de moi. Naam, attendez, je vérifie ici. Naam, c'est tout ce que je peux pour le son. Naam, c'est tout ce que je peux pour le son, Inch'Allah Ta'ala. Je disais que cette secte, naam, est partout. Et le plus grave, c'est que cette secte, naam, se dit que c'est elle les salaf salah. C'est elle Ahl-Sunnah ou Jama'a. Naam, c'est elle qui est sur le vrai minhaj. Et nous, et tous les grands savants, et Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Ibn Uthaymeen, et Ibn Taymiyyah avant lui, et Cheikh Ibn Kathir, et Dahabi, tous ceux-là sont dans l'égarement. Naam. C'est Abdullah al-Habashi, al-Harari, qui est quoi? Qui est dans la Sunna, et ses adeptes. Nous tous, si on meurt, on va rentrer en enfer, on est égaré, car on est des anthropomorphistes. Car on dit qu'Allah Ta'ala a les deux mains, les deux yeux, comme il a dit lui, qu'il descend, qu'il rit, qu'il s'étonne, comme il a dit lui et a dit son messager de lui. Donc, si tu dis qu'Allah Ta'ala a les yeux, les mains, comme il a dit lui, même si tu dis que rien ne lui ressemble, ils te disent non, tu l'as fait ressembler. Il ne faut pas dire qu'il a des mains, des yeux, mais c'est lui qui a dit son prophète. Je te dis, même si c'est lui qui a dit son prophète, il ne faut pas dire. Non, parce que rien ne lui ressemble. Il faut déformer. Il faut dire que ce ne sont pas ses mains, ce sont les puissances. Naam. C'est pas il descend, c'est l'ange qui descend. Naam. C'est pas il rit, c'est il récompense. C'est pas il se met en colère, c'est il punit. Et comme ça, il faut déformer, sinon, naam, tu es dans l'égarement. Que Allah Azza wa Jalla nous préserve de cette secte. Et ce qui est dangereux aussi chez cette secte, c'est qu'elle vit avec vous en France. Elle est, naam, vous tous, vous devez côtoyer des Habashis et des Habashiyats sans le savoir. Naam, vous devez les côtoyer, c'est sûr. Ils sont assez forts en France. Taïb, on a montré la fois passée que les Habashis qui se disaient, qui suivaient Abu Hanifa rahimahullah, n'ont rien à voir avec Abu Hanifa. Ceux qui étaient présents dans le Dars ont bien entendu la Aqida de Abu Hanifa rahimahullah. Ensuite, on a montré que les Habashis n'ont aucune relation avec Abi Hassan al-Ash'ari. Et que, naam, il y a entre Abu Hassan al-Ash'ari et eux, comme il y a entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Bi-idnillahi azza wa jal. Ensuite, on a montré aussi, naam, que les Habesh, naam, sont à l'encontre de la Sunna et du Coran. Ce que dit le Coran, les Habesh ne le disent pas. Ce qu'a dit le Sunna, les Habesh ne le disent pas. On va montrer aussi que les Habesh n'ont aucune relation avec l'Azhar. Car les Habesh disent quoi? Ils disent que nous, on a une fatwa de l'université de l'Azhar. Qui montre quoi? Qui montre que nous sommes sur le vrai et qu'ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent. Taïb. On va dire, donc on va vous lire, Inch'Allah Ta'ala, vite ce qu'a dit l'Azhar, bi'idnillahi. Donc il est dit ici, bismillahirrahmanirrahim, la talama طار الأحباش بتلك المقابلة التي تمت بينهم وبين مدير الأزهر دكتور أحمد عمر هاشم وكذبوا معها 100 كذبة إيديسي نعم دي حباش jamais ils n'ont été contents que lorsqu'une fois ils ont rencontré le directeur de l'université de l'Azhar. Ils ont été très contents lorsqu'ils ont rencontré le directeur de, et ont menti en lui ont, et lui ont menti 1000 mensonges. Combien qu'il a dit de mensonges ici? Pardon, ils lui ont menti 100 mensonges. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? فَزَعَمُوا أَنَّهُ تَمَّ الْإِتِّفَاقَ على تكليف الأحباش ببناء فرع لجامعة الأزهر في لبنان. نعم. Alors ils ont prétendu que l'Azhar, نعم, leur a demandé, leur a confié comme mission de construire, نعم, disons un petit rameau, نعم, comme ça, une branche comme ça, نعم, de l'Azhar au Liban, C'est-à-dire que l'Azhar, نعم, a convoqué les Ahbash. Il leur a demandé, il leur a dit, vous allez construire au Liban, parce que leur base c'est au Liban. Il leur a dit, vous allez construire là-bas quelque chose, une branche de l'Azhar. Et c'est vous qui allez la tenir. Naam, c'est vous qui allez la tenir. Ça veut dire, on vous fait tellement confiance que naam, vous êtes de notre descendance. Naam. وعلقوا هذا الأكاذيب على مواقعهم على الإنترنت وخدعوا بها الكثيرين. Et ce grand mensonge-là, naam, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont imprimé et ils l'ont fait passer sur Internet. Comme quoi, Al-Azhar reconnaît les Habash. Al-Azhar a donné comme mission aux Habash de construire au Liban une université. Et comme ça, ils ont rusé et trompé des milliers de musulmans. وَذَلِكَ بِهَدَفُ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُزْلَةِ الَّتِي تُعَانِي مِنَ الْأَحْبَشِ نعم تعاني منها الأحباش. Et pourquoi qu'ils font comme ça? Pourquoi qu'ils ont essayé de contacter l'Azhar et pourquoi ils ont menti tout ça, etc.? Parce qu'ils vivent une grande solitude. Les Habash, naam, sont jetés par tout le monde. Tous les musulmans les jettent. Naam, ils sont rejetés. Personne ne les reconnaît. Sauf bien sûr, sauf qui? Sauf يعني les chiites, sauf يعني ceux qui sont comme connaissent, ils les aiment. Non. Mais quelqu'un qui a senti l'odeur de la sunna n'aime pas le habashi, le déteste en Allah Azza wa Jal, en Allah Azza wa Jal. Alors ils ont cru que en faisant comme ça ils allaient sortir de leur solitude. Et la preuve, je vous donne la preuve que tout le monde est contre eux, subhanallah al-azim, regardez au Liban. Eux, ils vivent au Liban. Leur grand centre, leur grand gourou, Abdullah al-Habashi, se trouve au Liban. Au Liban, le ministère des affaires religieuses est contre eux. Subhanallah al-Azim. Le mufti, le Liban a un mufti, vous savez. Chaque pays a un mufti. Le mufti, le grand mufti du Liban, ne cesse, yani dans ses discours, à la télévision, partout, ne cesse de les dénigrer. Al-Habash, Mal-Habash, Al-Habash. Ils égarés, ceci, cela, subhanallah l'azim. Non. Donc, ils sont vraiment yani, isolés. Ils sont vraiment isolés. Tayyib. Tayyib. ولكن أراد الله أن تكون هذه الخطوة من أحبش سببا لخراب بيوتهم بأيديهم. Subhanallah l'azim. Subhanallah l'azim. Eux, en faisant ainsi et en prenant contact avec l'Azhar, et en mettant ces choses-là dans l'internet, comme quoi l'Azhar nous a donné le feu vert, naam, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière cela. Ils ne connaissaient pas la volonté d'Allah, naam, cachée derrière cela. Qu'est-ce qui allait se passer? En fait, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient, ou là, ils ont bien sûr, ils allaient détruire leur maison avec leurs mains, ils ne savaient pas. Ils allaient, et ils ont bien sûr détruit leur maison avec leurs mains. Comme a dit Allah Ta'ala, yukhribuna buyutahum bi'aydihim. Ils allaient détruire leur maison avec leurs mains et ils ne savaient pas. طيب. طيب. Idan, pourquoi les Habesh sont dénigrés, rejetés par tout le monde? À part les grandes bid'as et les grandes innovations qu'ils ont dans la aqida, je ne parle pas du fiqh, les grandes innovations dans la aqida. L'une des plus grandes innovations, c'est quoi? C'est de nier les attributs d'Allah. et de dire que Allah Ta'ala n'a pas les mains, ne descend pas, n'a pas les yeux, n'a pas la jambe, ne rit pas, ne se met pas en colère et tout ça. Ça, c'est l'une des plus grandes bid'a, l'une des plus grandes innovations dans la aqida chez les salaf salih. C'est l'un des plus grands égarements. Naam. Je dis, alors les musulmans, ils ont dénigré. Naam. Ils disent cela, ils ont beaucoup de bid'a dans la aqida, sans parler des bid'a dans le fiqh, naam, et sans parler du comportement, naam, et des violences et des crimes et de l'argent qu'ils volent et qu'ils escroquent, etc. Ça, on va le laisser inshallah ta'ala pour tout à l'heure. Donc l'ahbash yasubbuna al-wahhabiyya. L'ahbash disent que naam, quiconque qui est un salafi, c'est un wahhabi. Celui-là, il ne faut pas lui écouter. Naam. Comme ça, ils rentrent dans les salles, ils disent attention wahhabi, attention wahhabi. C'est-à-dire ceux qui suivent Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ils les appellent des wahhabi. Et nous, naam, on ne suit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna et la compréhension des salafs salih. On ne suit ni X ni Y, ni Y. Notre da'wa salafia, naam, n'est pas annexée à une personne. Si elle est liée ou annexée à une personne, c'est la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naam, pas une autre personne. Naam. S'ils veulent dire par wahhabi que naam, en yani en wahhabi du mot wahhab, Allah ta'ala, c'est l'un de ses attributs, c'est l'un de ses noms, al-wahhab, naam. Donc nous on est wahhabiyoun, on suit Allah subhanahu wa ta'ala, naam, al-wahhab, nous on est wahhabiyoun en ce sens. S'il veut dire que vous suivez Muhammad ibn Abdul Wahhab, la personne, on dit, on ne suit pas la personne, mais on suit ce qu'il a dit de vrai, c'est tout. Muhammad ibn al-Wahhab, s'il a dit des choses vraies, sur la tête et les yeux, s'il a dit des choses fausses, ou des hadiths da'if ou là, on ne prend pas jamais. Nous, on ne prend que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne fait pas de différence entre les savants. Tous les savants de Al-Sunnah qui disent une chose vraie, on la prend. Qu'elle vienne de Muhammad ibn al-Wahhab, ou bien qu'elle vienne de Shafi'i ou de n'importe qui. Pourvu qu'il soit de Al-Sunnah. Naam. Et s'il dit quelque chose de faux, on la refute, on ne l'accepte pas. Même si elle vient de l'imam Malik, ou bien elle vient de Ibn Taymiyyah, s'il va dire quelque chose de faux, un hadith faible ou là, je le refute. Je ne refute pas la personne. Je refute ce qu'il a dit. Je dis non, le hadith est faible. Non, ce qu'il a dit, d'autres ont dit, il y en a plus fort que lui. Ce qu'ont dit les autres, c'est plus juste, c'est plus solide. Et comme ça, on n'a pas une personne à laquelle on s'accroche, on ferme les yeux et on dit, voilà, celui-là, on le suit à 100%. Sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Et il dit ici wa yantasibuna ila al-madhhab al-ash'ari, c'est-à-dire et ils prétendent qu'ils sont des ash'arites, alors que vous avez entendu avec moi la fois passée ce que dit Abu Hassan al-Ash'ari, que ils n'ont rien à voir avec Abu Hassan al-Ash'ari. Vous avez entendu avec moi ceux qui étaient présents ce que a dit et dit toujours Abu Hassan al-Ash'ari dans son livre Risala ila al-Sah et son livre très connu Maqalat al-Islamiyin et son livre comment qu'il dit que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, que Allah Ta'ala a deux mains, que Allah Ta'ala descend, naam, et que celui qui dit pas ça, c'est un innovateur. C'est lui qui dit. Il dit quiconque ne dit pas ça, c'est un innovateur. Naam. Il a mieux que ça. Mieux que ça. Il a dit quiconque ne dit pas ça, c'est un chrétien. Il s'est fait ressembler aux chrétiens. Naam. Et donc comment il s'appelle, Abu Hassan al-Ash'ari se désavoue des Habash, naam, qui montent sur lui et qui disent que nous on est de Abu Hassan al-Ash'ari. Si vous suiviez Abu Hassan al-Ash'ari, vous auriez suivi ce qu'il a dit dans la Aqida, mais tout ce qu'il dit, vous dites le contraire. Ensuite vous dites nous on suit Abu Hassan al-Ash'ari. Et aussi pour Abu Hanifa, Abu Hanifa, vous vous rappelez avec moi quand j'ai lu la fois passée de son livre Al-Fiqh al-Akbar, qu'est-ce qu'il a dit? Que quiconque dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, ou bien quiconque dit je ne sais pas où se trouve Allah, je ne sais pas où est Allah, il est sur la terre ou bien dans les cieux, je ne sais pas, ou bien il dit je sais qu'il est sur au-dessus du trône mais je ne sais pas le trône où il est, il a dit celui-là il est kafir. Voilà Abu Hanifa, il dit. Donc Abu Hanifa, quand il dit, Abu Hanifa a dit les Habash sont des kuffars. Abu Hanifa a dit les Habash sont des kuffars, et Abu Hassan al-Ash'ari a dit les Habash sont des mubtadi'a et des chrétiens. Pourquoi? Parce que ils ne disent pas qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Le prochain dars, inshallah ta'ala, dans la Aqida, c'est la parole d'Allah, chose très importante que les Habesh nient. Les Habesh disent que ce n'est pas Allah Ta'ala qui parle dans le Coran, c'est Jibril qui parle. La parole d'Allah qu'on lit nous. Bismillahir Rahim tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Et comme ça, Bismillahir Rahim, qul huwallahu ahad Allahu samad. Les Habesh disent ce n'est pas Allah Ta'ala qui a parlé. Allah Ta'ala a révélé c'est tout à Jibril. Ensuite Jibril a choisi les mots. C'est Jibril qui a choisi, qul huwallahu ahad, c'est lui qui a choisi le mot tabbat yada abi lahab. Et comme ça les mots ont été choisis par Jibril. Comme ça disent les Habesh, les égarés, qu'Allah Ta'ala brise leur dos. Naam. Taïb, je disais, donc Abu Hanifa a dit que les Habesh étaient des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Naam. Et Abu Hassan al-Ash'ari a dit chrétiens. Ce sont des mubtadi'a. Taïb, regardez ici ce qu'il dit. Naam, je disais, alors ils prétendent que ce sont des Ash'arites. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que tout le monde sait, et ça c'est pas une chose qu'on peut cacher, tout le monde sait que l'Azhar, la grande université de l'Égypte, que ce sont des Ash'arites. Tout le monde sait, même eux à la télévision, partout ils disent nous Aqida Ash'ariya. Tout le monde sait cela. Non, ils disent yani Aqida Ash'ariya. Mais subhanallah al-azim, ils n'ont pas accepté les Habesh qui disent que nous aussi on est Aqida Ash'ariya. C'est une preuve donc que quoi? Que les Azharites qui sont Ash'ariya ont reconnu et su que les Habesh n'étaient pas des Ash'arites. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas acceptés. Naam. طيب. Autre chose. فَلَقَدْ عَرَفَ الدُّكْتُورُ أَحْمَدْ عُمَرْ هَاشِمْ حَقِيقَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ فِرْقَةٌ تَكْفِرِيَّ. Le docteur Ahmed Omar Hashim, directeur de l'Azhar, l'université de l'Azhar, a reconnu Naam, leur quoi? Leur yani haqiqatahum, leur vérité, comment qu'ils sont au fond. Et que, au fond, les Habesh est une secte takfiriya. Naam, vous savez ça ou là vous ne le savez pas? Les Habesh, à part les grands égarements qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont? C'est une secte takfiriya. Qui dit, c'est comme les takfiriennes. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que les Habesh sont des takfiriennes? Je vais vous donner deux grandes preuves. La première, c'est que ils disent que Ibn Taymiyyah c'est un kafir. Ils disent que Ibn al-Qayyim c'est un kafir. Naam. Ils disent que Ibn Baz c'est un kafir. Ils disent que Cheikh Ibn Uthaymin Allahyarhamou c'est un kafir. Ils disent que Cheikh Saadi Allahyarhamou c'est un kafir. Et des grands ulama comme ça, ils disent que ce sont des kuffars. Et le grand imam Dahabi, ils disent de lui c'est un khabith. Et leur grand chef des Habesh, Abdullah al-Harari, qui vit jusqu'à de nos jours au Liban, a écrit un livre spécialement contre Ibn Taymiyyah, où il prouve à l'intérieur que c'est un kafir. Allahu Akbar. Il appelle son livre, je ne sais pas comment il s'appelle, il se termine comme ça, Dalalat Ibn Taymiyyah, Ahmed Ibn Taymiyyah, kada, pour montrer les égarements de Cheikh l'Islam. Lui il dit pas Cheikh l'Islam, nous on dit Cheikh l'Islam Ahmed Ibn Taymiyyah. Moi je dis à ce petit, je sais pas comment je vais l'appeler, je vais lui dire Abdullah al-Habashi, si Ibn Taymiyyah était vivant, naam, tu n'aurais pas la faveur d'être son excrément. Quand Ibn Taymiyyah rentre aux toilettes, ce qu'il met dans les toilettes est mieux que toi. Ce qu'il met dans les toilettes, Ibn Taymiyyah, ce qui sort de lui, on le jette dans les toilettes, est mieux que toi. Ya Abdullah al-Harari, il est mieux que toi. Mais l'homme est mort. Naam. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Danse, Ya Abdullah, danse au Liban et égare tes adeptes. Naam, égare-les. Mais Allah subhanahu wa ta'ala écrit ce que tu fais. Allah ta'ala écrit ce que tu fais. Naam, Allah ta'ala écrit ce que tu fais. Al-Muhim, que je disais, ils disent de ces grands ulama, de ce grand ulama, ces grands et autres, bien sûr. Ils disent ce sont des kuffars. Et le comble c'est quoi? C'est que ils disent des kuffars que ce sont des musulmans. Comme Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, l'un des grands prêcheurs de l'unicité de l'univers, Wihdat al-Wujud. Muhyiddin Ibn Arabi, il a un grand égarement dans la aqida. Naam, il disait que tout ce qu'il y a là, l'univers c'est Allah. L'arbre c'est Allah, moi c'est Allah, le chien ou un âne, il faut se prosterner parce que c'est Allah, tout est Allah, tout est Allah. Naam. Et lui et ses adeptes, Tidim Sani, comment se fait, Ibn al-Farid, al-Bastami. Yani ses adeptes ont fait un grand, grand égarement en islam et aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala al-Afiya. Al-Bastami disait, al-Bastami, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Subhani. Comme nous on dit Subhanallah, lui il dit Subhani, moi. C'est pas Subhanallah, Subhani. Pourquoi on lui dit? Il dit parce que moi c'est Allah et Allah c'est moi, on est tous Allah. Alors ce Ibn Arabi dont je vous parle, les Habesh disent quoi? Disent c'est un grand wali, c'est un grand allié d'Allah, c'est un grand pieux. Celui-là c'est un grand pieux qui dit comme ça. Oui, celui-là c'est un grand pieux. Naam. Et Sheikhul Islam, le grand savant, c'est un kafir. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça c'est la première preuve que ce sont des takfiriyin. La deuxième preuve, vous les entendez tous les soirs dans le palto. Qu'est-ce qu'ils disent? Quiconque dit qu'Allah Ta'ala a deux mains, c'est un kafir. Quiconque dit qu'Allah Ta'ala a un visage, c'est un kafir. Quiconque dit qu'Allah Ta'ala descend, c'est un kafir. Et comme ça, vite, c'est un kafir. Et la troisième preuve très forte, que ce sont des tkfiriyin. Vous savez laquelle? Très très forte, subhanallah al-azim. C'est une preuve qui n'existe pas dans les livres, mais elle existe chez nous, alhamdoulilah. Allah Ta'ala nous a donné yani la clairvoyance dans le cœur pour qu'on voit cette preuve. Vous savez c'est quoi? C'est que les Habash na'am, font les cours dans les salles des tekfiriyin de Salah 19. Et Salah 19 na'am, va assister dans les cours des Habash. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient un point commun. C'est quoi? C'est le tekfir. Masha Allah. Na'am. Qui s'assemble, se ressemble. Ils ont vu qu'ils ont un point commun, tous les deux, ils font kaffar, les grands ulama et les muslimines. Ils ont dit, donc nous sommes des frères, nous sommes de vrais frères, et ils se sont donné la main, ils font des dorous ensemble. Na. Que Allah Azza wa Jal nous suffise leur mal. Tayyib. Autre chose, est-ce que vous m'entendez, Cheikhana, est-ce que vous m'entendez? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, alhamdulillah, barakallahu fikum. Na. Et puis je vous dis une chose maintenant, alhamdoulillah, ça marche beaucoup les habesh, la da'wa, yani, ce qu'on dit, ce que vous entendez, ça marche. Beaucoup de gens m'écrivent, on me dit subhanallah al-azim, yani, on ne savait pas tout ça, alhamdoulillah. Si vous n'apprenez pas ces choses, on va vite vous jeter le virus. Si tu ne connais pas le mal, il va t'attraper. Mais si tu connais le mal, tu vas lui fermer les portes et les fenêtres. Tu dis, je sais d'où vient le mal. Il vient de cette porte, de cette fenêtre. Je vais lui fermer, je vais me vacciner. S'ils disent ah, moi, s'ils disent un mot, moi je dis deux. Je connais maintenant comment les contre-attaquer. Mais si tu n'entends pas des choses pareilles, tu vas rentrer dans leur salon, tu vas être ébahi. Masha'Allah, ils disent le Coran, ils ont des hadiths, et ils disent, on suit Abu Hanifa, Abu Hassan al-Ash'ari. Masha'Allah, pourquoi? Il yani, n'y a pas de mal à les suivre. Naam, comme ça vont dire... les gens. Tayyib. Autre chose. Naam. Takfiriyin. Naam. Kaffaru kibar rumuz ulama al-muslimin. Et waja'alat dhalika mabda'aha. Yani, ils ont fait du takfir. Naam. Leur base et leur dogme. Naam. Wa yishtaritun. Écoutez bien ce qui va venir. Wa yishtaritun ala al-muntami ilayhim. Sab wa takfir Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim. وشتم الإمام الذهبي وجماعة من أهل العلم المتقدمين الله أكبر. Quand quelqu'un veut devenir habashi, on lui fait des conditions. Naam, c'est quoi la première condition? C'est de dire que Ibn Taymiyyah est un kafir et de dire que les grands savants de nos jours, les savants de l'Arabie Saoudite, sont des kuffars et il faut les insulter. Subhanallah al-Azim. Normalement, quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, on lui montre la beauté de l'islam, on lui montre c'est quoi la sunna, on lui parle de la miséricorde d'Allah, on lui parle du paradis, on lui parle de la ni'ma de l'islam. Celui-là, il t'apprend direct quoi? À la haine. Il t'apprend à détester. C'est comme les tekfiriyin. Les tekfiriyin, ils t'apprennent direct que tout le monde est kuffar. C'est ça la base. Tout le monde est kafir. Après, on va voir celui qui est musulman. Salah 19, alhamdoulilah, il est musulman. Jibril alayhi salam lui a donné une lettre. C'est écrit, toi, khlas, Allah ta'ala a dit que toi, de toi, tu es musulman. Reste nous. Nous, comment on va faire, Allahu alam. Mais donc, pour eux, la base, tout le monde est kafir. Sauf celui qui, naam, eux, ils disent, t'es musulman. Donc, les Habesh, subhanallah al-azim, si quelqu'un veut devenir Habesh, il faut commencer par dire Ibn Taymiyyah est kafir, Ibn Baz est kafir, Ibn Taymiyyah est kafir, Albani est kafir, et comme ça. Il faut citer les grands et dire ce sont des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiya. Alors il a dit, c'est qui maintenant? C'est le directeur de l'Azhar, Ahmed Omar Hashim, a dit. Donc, il a dit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqad akhbarani bima nama ilaykum min wujud ta'awun bayna jama'at al-Azhar wa bayna man yusammuna bil ahbash fi Lubnan. Wa haythu annani lam azur Lubnan illa mundh 'amayn wa qad ta'a muhawalat at-ta'thir min janib ba'd al-jihat 'indama quddimtu aw 'indama quddimat ilayya مذكرة كمشروع اتفاقية للتوقيع عليها. نعم. Il a dit, voilà, j'ai visité la dernière fois que j'ai visité le Liban, cela fait 2 années. Il a dit, quand j'ai été là-bas pour signer un traité avec les gens qui s'appellent Habesh, il a dit, نعم, certains côtés ont essayé de m'influencer et d'influencer sur moi pour que je signe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Habesh, quand ils ont voulu au Liban construire une branche de l'Azhar, disons une petite université, et ils seront eux les responsables bien sûr, ils ont convoqué le directeur de l'Azhar. Le directeur de l'Azhar est parti là-bas pour faire la convention avec eux. Alors voilà ce qui s'est passé là-bas au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, نعم وبعد أن عرفت من سفير مصر في لبنان وبعض الجهات الأخرى عدم سلامة هذه الجمعية وعدم مصداقيتها وعدم سلامة تكفيرها قطعنا العلاقة بهم وألغينا كل ما طلبوه. الله أكبر. Il a dit, maintenant quand je suis arrivé au Liban, نعم, il a dit, l'ambassadeur de l'Égypte, parce que l'université de l'Azhar c'est l'Égypte, il a dit donc l'ambassadeur de l'Égypte qui est venu m'accueillir, et il a dit d'autres personnalités, il a dit Ba'd al-Jihad, et d'autres personnalités, d'autres personnalités connues, m'ont montré c'est quoi les Habesh, et c'est qui les Habesh, et c'est quoi leur aqida, et qu'est-ce qu'ils disent dans les ulama, et qu'est-ce qu'ils disent en Allah, qu'est-ce qu'ils disent dans les attributs. Il a dit, alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors j'ai arrêté, naam, et je n'ai pas signé. Mieux que cela, j'ai annulé et tout jeté. Il a dit, et j'ai tout jeté, naam. C'est comme, si je vous donne un exemple, c'est comme par exemple, vous ne savez pas, je donne un exemple, une sœur par exemple, on lui dit à un frère qui est celle-là, elle est contente, machallah, j'accepte de faire avec lui la muqabala, etc. On fixe le jour. Quand il rentre, arrive le jour, il rentre le frère Hada, naam, pour faire la muqabala, et voilà que quelqu'un le connaît bien. Naam, quand il rentre, quelqu'un le reconnaît. Subhanallah al-Azim. Ensuite, il dit à la sœur, comme ça, en tête à tête, s'il est son père ou là, il dit à la sœur, il lui dit, mais celui-là, je le connais bien. Celui-là, par exemple, c'est un juif. C'est un juif qui est déguisé. Il a mis le kamis, il a mis la barre, mais je le connais bien, c'est un juif, ou bien c'est un chrétien, je le connais bien. Plusieurs fois rentré dans les églises, etc. La même chose s'est passée comme ça. Le directeur de l'Azhar ne savait pas qui il avait affaire. Quand il est arrivé là-bas, alors l'ambassadeur d'Égypte et certaines personnalités musulmanes qui connaissent bien le dîn l'ont contacté, se sont assis avec lui. Ils lui ont dit, vous savez ce que vous allez faire, vous savez avec qui vous avez affaire ou là vous ne savez pas, vous allez signer avec l'Ahbesh, vous savez c'est qui l'Ahbesh? Il a dit, je ne sais pas, ce sont des gens qui m'ont contacté, ils veulent travailler avec Sabillah, vous savez c'est qui l'Ahbesh? Les négateurs des attributs d'Allah, ils disent les ulama sont des kuffars, les grands ulama, ils ont des bid'a partout. Ils tuent les musulmans, ils insultent les musulmans, ils volent de l'argent, ils... Subhanallah l'adim. Alors il a vite, quoi, annulé. Il a dit, wa al-ghaytu, wa al-ghaytu. Naam, écoutez ensuite ce qu'il a dit ici. Naam, naam. Et quand j'ai rencontré le safir, c'est-à-dire l'ambassadeur et certaines personnalités, alors, et ils m'ont montré qui étaient les Ahbash, etc., alors j'ai tout annulé. J'ai tout annulé et on a coupé toute relation. Naam. Walihada. Il dit, et tous les documents qu'il y a maintenant chez eux, chez les Habèches, qui prouvent le contraire, qui disent qu'il a signé ou bien il a ceci, il a dit, ça ne repose sur aucune vérité. Aucune vérité. C'est mensonge sur mensonge. Je n'ai jamais signé, il a dit. Dès que j'ai reconnu qui ils étaient, j'ai abandonné. Naam, je n'ai rien signé avec eux. Naam. ولقد يسرني أن أفيدكم بعدم صحة ما نسب إلينا أو إلى جامعة الأزهر. نحن نرفض كل محاولة استغلال اسم الجامعة الأزهر. Il a dit, et il me plaît que vous sachiez aujourd'hui que on n'a aucune relation avec les Habash et que on a tout annulé et que on n'accepte pas, nous refusons toutes les tentatives d'exploitation du nom de l'université Al-Azhar de la part des organisations et des associations qui n'ont pas un engagement total et clair vis-à-vis du Coran et vis-à-vis de la Sunna. Naam. Écoutez en arabe, نرفض كل محاولة استغلال اسم جامعة الأزهر العريق من قبل الهيئات والجمعيات التي لا تلتزم التزاما كاملا واضحا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. Il a dit, on n'accepte pas que des gens comme ceux-là, naam, yani profitent du nom de l'Azhar et au nom de l'Azhar font des choses et des crimes et des, qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna, avec le Coran et la Sunna. Tout à l'heure quand j'ai dit que naam, il disait que les grands savants c'est de kuffar, les Habesh sont reconnus aussi pour violence, naam, violence, insulte, naam, tuerie, criminalité. Jazakallahu khairan. A-F-B-I-A-A-P-B-I-F, la secte des Habesh. Pour vous qui êtes en France, regardez bien ce qui est écrit A-P-B-I-F. À chaque fois que vous trouvez écrit ça, il faut changer de trottoir et s'enfuir. Naam. Si vous marchez sur le trottoir droit, vous trouvez c'est écrit A-P-B-I-F, changez de trottoir, allez dans le trottoir gauche. Naam. Pour ne pas être piqué de cette secte qui, naam, les juifs, etc., lui ont donné beaucoup d'argent pour qu'elle dénigre l'islam, pour qu'elle égare les gens. Et attention à toutes les organisations, tous les salons, etc., où vous trouvez écrit comme ça. Regardez, Ahlou avec petit S, ensuite grand S, comme ça. Regardez, Ahlou Sunna. Vous voyez le petit S, ensuite le grand S. Rappelez-vous, quand vous voyez Ahlou Sunna, petit S, grand S, ça veut dire que ce sont les Habesh. Naam. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont Ahlou Sunna. Comme ça, les gens disent, Masha'Allah, moi je suis Ahlou Sunna, j'aime Ahlou Sunna. Qui n'aime pas Ahlou Sunna? Et vous rentrez avec eux, naam, c'est l'égarement total. Tout à l'heure, rappelez-moi de vous donner le site où vous allez voir les Habesh photographiés dans les tribunaux, après avoir volé, après avoir escroqué de l'argent, après avoir frappé des musulmans, naam, et vous allez les voir dans les tribunaux. Vous allez voir aussi le grand gourou qui s'appelle Abdullah al-Harari, qui a transformé le din, le vrai din en faux din, la sunna en bid'a. Vous allez le voir en photo et naam, je suis sûr, inshallah ta'ala, que le fait déjà de le voir, quand vous allez le voir seulement, vous allez le détester. Subhanallah al-Azim. Regardez, si jamais vous voyez la photo de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, naam, vous sentez quelque chose dans le cœur, naam, les grands savants, les éminents savants, l'ulama. Quand vous allez voir ce shaitan de Abdullah, dès que vous allez le voir, vous allez le détester. Subhanallah al-Azim, vous ne pouvez pas le voir. Vous dites, ça c'est un grand savant, celui-là, a'oudou billah. Celui-là pour eux, c'est un savant. Naam. Et ils sont connus, comme j'ai dit, plusieurs frères, ils les ont frappés. Ils ont même tué. Naam, vous allez lire tout à l'heure. Ils ont tué. Et vous allez écouter ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Naam, des choses étranges, étranges, que je vais vous lire, inshallah ta'ala. Naam. Ils ont expulsé des gens des universités. Naam. Quand ils trouvent quelqu'un sunni, mashallah, salafi dans l'université, ils font tout pour l'expulser, pour faire venir un habash qui donne des cours à sa place. Ils n'aiment pas que la da'wa salafia se propage. Regardez. Maintenant, quand ils ont appris que, par exemple, moi je donne des cours sur Paltok, naam, classe, ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus jour et nuit. Comment qu'on va faire pour arrêter celui-là? Si vous saviez le nombre des virus que j'ai dans mon laptop, là vous allez vous étonner. Tous les antivirus ne peuvent pas enlever les virus que j'ai, tellement ils sont nombreux. Il me dit, vous êtes infecté, c'est trop. Les trojans, vous savez c'est quoi les trojans? Les trojans pour Tejessus, l'espionnage. J'en ai peut-être des milliers. Tout ce qu'il y a comme trojans dans le monde se trouve dans mon laptop. Allahu Akbar. Pourquoi? Pour essayer de faire quelque chose que je ne fasse pas les doros. Je ne sais pas si vous me croyez. Maintenant, mon laptop, subhanallah al-azim, quand il s'éteint, il veut pas se rallumer. Il veut pas. Et quand je veux l'éteindre, il veut pas s'éteindre aussi. Pourquoi les virus? Plein de virus. Je dis, c'est pour ça que très bientôt, inshallah ta'ala, je vais formater et changer tous mes mots de passe et tout changer. C'est pour ça que je dis aux admins, inshallah ta'ala, s'ils voient que leurs mots de passe ont sauté, ça veut dire ça vient de moi. Naam, ça veut dire ça vient de moi après le formatage, inshallah ta'ala. Mohim, vous allez voir et écouter des choses atroces qu'ils font. Naam, combien de musulmans ils ont tués. En France, des gens ont été battus avec des barres de fer par les Habèches. Quant aux insultes, les insultes, c'est pas la peine de vous en parler. C'est pas la peine de vous en parler. Vous avez vu vous-même, vous avez vu. Naam, parce que tu es admin ici, naam. Je disais, les insultes, c'est leur dîme. Comme vous dites subhanallah, alhamdoulillah, la ilaha illallah, akbar, pour vous rapprocher d'Allah azzawajal, eux, ils veulent se rapprocher d'Allah en insultant. Et pour eux, d'ailleurs, pourquoi je vais loin? Pourquoi? Vous vous rappelez peut-être qu'ils ont ouvert une salle spécialement, pas en mon nom, mais que quoi? La mère de Chalabi, pardon, attendez si je dis la mère, naam, Chalabi, le fils de la paix. P-U-T-E. Chalabi, le fils de la paix. Naam, est-ce qu'en islam, c'est permis de dire à une personne de dire sa mère c'est une paix? Est-ce que c'est permis ça? Dites-moi, est-ce que c'est permis en islam? S'il dit Chalabi est un kda, naam, Chalabi est un égarateur, Chalabi est un anthropomorphiste, Chalabi est un moubtadi, innovateur, naam. Mais est-ce que c'est permis de dire que ma mère est une kada ou que mon père est ceci? C'est pour vous montrer que les insultes chez eux, yani, ils n'ont pas le dîn dans le cœur. Ils n'ont pas la crainte d'Allah. Est-ce que quelqu'un qui a la crainte d'Allah peut parler d'une mère d'un musulman? Peut-être que ma mère est une pieuse. Peut-être que ma mère fait la prière de la nuit. Peut-être que ma mère, naam, c'est une alliée d'Allah. Comment se fait-il que tu dises d'elle c'est une paix? C'est pas grave ça? Ensuite, les autres. Moi, pourquoi yani, ça me fait, ce qui me fait mal, c'est pas ce qu'ils ont dit, non. Ce qui me fait mal, c'est que les autres qui les suivent, ils ont le cœur scellé. S'ils avaient un peu de lumière dans le cœur, la petite foi, rien, yani, un brin de foi, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, écoute, toi qui nous fais des doros, toi notre grand gourou, comment se fait-il que tu insultes la mère de quelqu'un? C'est le prophète alayhi sallam qui t'a dit d'insulter sa mère ou laisser l'islam? C'est quoi ce dîn que tu nous apprends? Akhouya, pardon, moi, je ne vais plus vous suivre. Naam, moi, je ne vais plus vous suivre. Comment vous insultez la mère d'une personne? Que vous a fait sa mère? Normalement, c'est comme ça que tu dois dire ça. S'ils avaient vraiment la sincérité. Naam, moi, si Ibn Taymiyyah était vivant, ou le Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou était vivant, il s'assoit ici, il commence à donner des doros. Ensuite, il parle des Habèches. Ensuite, il va parler de Abdullah al-Habashi, Abdullah al-Harari. Ensuite, il va dire la mère de Abdullah al-Harari, c'est une paix. Moi, ou bien je me lève et je pars, ou bien je dis, Cheikh Ibn Uthaymeen, pardon. Mais qu'à avoir la mère de Abdullah ici? C'est Abdullah al-Harari qui est un égaré, c'est pas sa mère. Ensuite on dit sa mère c'est une paix. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à cause de Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit sur Maryam, Maryam, Marie, qu'est-ce qu'ils ont dit sur elle? Ils ont dit, Ya Ukhta Harun, ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Allahu Akbar. Regardez ce qu'ils ont dit sur Maryam. Ils ont dit, oh la sœur de Harun, ton père n'était pas quelqu'un de pas bien, un vilain, et ta mère n'était pas une fornicatrice. Ah pardon, et ta mère n'était pas une fornicatrice. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont dit une chose, quoi? Une chose vraiment, vraiment, vraiment grave. Pourquoi? Parce que quand il dit, par exemple, je dis de moi, je fais une dispute avec quelqu'un et je lui dis, ma mère n'était pas une fornicatrice. Quand je dis comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, ta mère est une fornicatrice. Non. Eux, ils ont dit, oh, la sœur de Haroun, ton père n'était pas quelqu'un de vilain, etc. Et ta mère n'était pas une fornicatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu es une fornicatrice. Et Allah Ta'ala a dit, c'est très grave ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quelque chose de grave sur Maryam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit seulement, ta mère n'a rien fait. Ta mère n'était pas une fornicatrice. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ils n'ont rien dit de grave. Au contraire, ils ont fait des éloges. Ils lui ont dit, Masha'Allah pour ta mère. Elle n'était pas une fornicatrice. Alors que Allah Ta'ala a dit, ils ont dit quelque chose de très grave. Alors qu'en est-il? Naam. Et ta mère n'était pas une prostituée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu es une prostituée. Alors qu'en est-il maintenant si quelqu'un dit d'une mère d'une personne, c'est une prostituée? Ceux-là, ils ont dit, ce n'est pas une prostituée sa mère. Et regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il a dit, ils ont dit une chose grave, grave, grave. Qu'en est-il quand quelqu'un dit, sa mère est une prostituée? Et ce qui a, ce qui a fait, comme on dit, c'est pas si on dit ça, c'est pas renversé. Non, on dit le bol, comment qu'on dit le bol, c'est-à-dire que, là, s'il était plein ensuite, non, ce qui a fait, il y a un mot. Mais le plus grave, débordé. Jazakallah, ce qui a fait déborder le... Comment ça s'appelle, on appelle ça? Le vase ou la... Ça a débordé quoi? Ce qui a débordé le vase, Jazakallah khairan, c'est lorsque leur grand chef, celui qui leur fait des doros dans leur salle, il a dit, moi, je... Ensuite, il a employé un verbe que je ne vais pas employer, commence par N, que tout le monde sait, ce que fait l'homme avec sa femme. Il a dit, moi, je haine les tantes de Chalabi, les sœurs de Chalabi. Lorsqu'ils ont dit ça, khlas, j'ai compris que cela, c'est trop tard pour eux. Khlas, si quelqu'un peut dire, des musulmans, moi, je fais telle chose sur tes sœurs, et je fais telle chose sur tes tantes, et les gens restent là à l'écouter, et à le suivre, et à dire, Masha'Allah, celui-là, c'est un grand savant, c'est que vraiment là, j'ai plus rien à dire plus que ça. Non. Si quelqu'un vient me faire un dars, il me dit, moi je fais telle chose sur la sœur de X et la sœur de Y, et je reste l'écouter, je dis, ça c'est un savant, il me fait des doros, et ça c'est un habesh, et je dois le suivre. Subhanallah l'adim, c'est que vraiment, leurs cœurs sont cédés. Non. C'est permis en islam, je ne parle pas de ma sœur, je parle en général, c'est permis en islam que quelqu'un dise, moi je fais telle chose avec telle femme, moi je haine telle femme et la femme de mon voisin, ou là, c'est permis ça en islam? C'est permis. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ensuite il a dit ici, Cheikh Larahmou a dit, le directeur a dit, wa taqabbalu khalis tahiyyati wa ihtirami, et recevez mes salutations sincères. Et il a dit, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il a dit, akhoukoum, votre frère, le docteur Ahmed Omar Hashim, Raïs Jami'at al-Azhar. Votre frère Ahmed Omar Hashim, le Raïs, le président de l'université de l'Azhar, katabahu, na'am, yom thulatha, je l'ai écrit le mardi 9 Jumada l'Akhira 1422 l'Hégire, l'Mouafir, c'est-à-dire le 28 août 2001, et je l'ai envoyé au Temma il Salou bil fax, je l'ai envoyé par fax au il a Maktab al-Moudir, au bureau du directeur de Rabit al-Islam, Yom al-Itnain, le lundi 15 Jumada 1422, naam, Jumada al-Akhira 1422, ce qui concorde avec le 3 septembre 2001, Sa'a al-Wahida wa 40 daqiqa ba'd al-Dhuhr, à 13h40 après le Dhuhr. Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim. Maintenant, écoutons ce que disent les savants des Habesh. Écoutons ce que disent les savants de les Habesh. Le frère Ghouraba était absent, peut-être qu'il ne connaît pas la règle. Naam, Cheikh Ghouraba, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, j'ai décidé que pendant le cours, on ne donne pas de lien. Parce que pour ne pas déconcentrer les gens jusqu'à ce qu'Inch'Allah Ta'ala, on termine le dars. Naam, car les gens vont surfer dans le lien et vont essayer de voir ce qu'il y a, etc. Ils vont oublier le dars. Tu m'as compris, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tayyib, maintenant, très vite. Que disent les ulama, que disent les grands savants, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre? Qu'est-ce qu'ils disent des Habesh? Tayyib. Ou bien, mieux que cela, inshallah ta'ala, mieux que cela, et comme ça, pour moi, c'est bien pour ne pas beaucoup me fatiguer, hein, je préfère, inshallah ta'ala, laisser ce que disent les grands ulama sur les Habesh pour le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant cela, attendez, je vous donne le lien où il y a la photo. Vous allez voir, Inch'Allah, le gourou, le grand gourou, comment qu'il est fait pour que vous le détestiez en Allah Azza wa Jal. Pour que vous le détestiez en Allah Azza wa Jal. Car Allah Ta'ala, vous savez, dans le hadith sahih, quand il hait quelqu'un, il descend sa haine dans les cœurs des croyants. Non, vous allez le voir, vous allez le détester. A'oudou billah. Celui-là, il dit Ben Baz, il dit Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un kafir. A'oudou billah, min hadh shaytan. Attendez une seconde, je vais vous le donner. Vous m'avez pas rappelé, j'ai oublié d'enregistrer le cours d'aujourd'hui. Malish. طيب اسكسيسا نعم regardez inshallah ta'ala si vous pouvez entrer ici anti-habashi نعم vous allez voir le chef vous allez voir les habash dans les tribunaux. Et je vais vous dire dans le prochain dars inshallah ta'ala qu'est-ce qu'ils disent dans leur fatwa qu'il est permis de toucher une femme étrangère, qu'il est permis à la femme de se parfumer, qu'il est permis de voler l'argent des coffres, qu'il est permis de faire l'usure, qu'il est permis de jouer à la loterie, qu'il est permis des choses absurdes, horribles, des choses horribles inshallah ta'ala que je laisse pour la prochaine fois inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.